Thank you. Attendre, ne plus espérer. Thank you. Providence fait quelquefois reparaître le même homme à travers plusieurs siècles. Thank you. Thank you. Thank you.